toi celui qui soutient ma vie. Quelqu'un peut commencer déjà à le dire à ce Dieu. Seigneur, sois mon secret dans cette année, dans cette saison de mes élévations. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Je veux m'appuyer sur toi. Peu importe la taille du défi, je veux être comme David pour dire, moi je viens au nom de l'Éternel. Moi je viens au nom de l'Éternel. Quelqu'un peut déjà commencer à s'avancer devant le trône de Dieu. Seigneur, sois mon secret. Sois le secret de mes réussites. Sois le secret dans mon foyer. Sois le secret dans mes études. Sois le secret dans mon travail. Ô Père éternel, alors que les autres peuvent s'appuyer sur leurs connaissances, sur leur branchement, moi je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Sois mon seul secret, ô Dieu. Sois mon seul secret, ô Père éternel. Sois mon seul secret, Jéhovah. Prions, bien-aimé. Et Jésus, sois mon secret. Sois mon secret. Alléluia. Sois mon secret, Jéhovah. Sois mon secret, Jéhovah. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle, l'ami de tous les temps, c'est toi, Jésus. Je suis là pour t'élever, Seigneur Jésus. Je suis là pour t'adorer, Seigneur. Je suis là pour t'élever, Jésus. Oh, Jésus. J'entre dans le lieu saint de sa. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Je n'entre que pour t'honorer. Quelqu'un peut le dire encore plus fort. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je très fort. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous soutient. Merci Seigneur Jésus. Rapidement, nous allons écouter un témoignage et les merveilles que le Seigneur opère au milieu de nous. Nous allons approcher notre bien-aimé, le frère Philémon et son épouse. Rapidement, ils vont venir témoigner les merveilles du Seigneur qu'ils ont vécu. Karibu sana. On les encourage. Karibu sana. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes devant de vous pour glorifier le nom de l'Éternel et pour témoigner le Dieu de l'arche. C'est Dieu vivant, c'est Dieu qui agit. Quand une parole est prononcée sur cette chair, il faut la saisir. Quand tu la saisis, ça porte la chair et tu es exaucé. Nous sommes en train de témoigner par rapport à nos filles que nous avons parrainées dans le mariage. Ils ont 4 ans de mariage. Dans ces 4 ans, ils ont vu vraiment beaucoup de choses impossibles. La maman était tout le temps malade, tout le temps. Elle était vraiment faible jusqu'à ce que je me demandais, Seigneur. Et pourtant, quand elle était fiancée, elle était forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vraiment malade et les problèmes étaient toujours dans les ventres. Elle voyait des choses bizarres, même dans sa maison. Elle pouvait voir des rêves bizarres. Un jour, elle a un rêve. Elle voit, on a ouvert son ventre et on y a introduit la nourriture, des frites et la viande. Quand elle m'a raconté ça, je n'ai pas compris. Je disais, Seigneur, c'est quoi finalement? On a continué à prier, on a continué à prier. C'est arrivé un moment où elle a commencé à avoir des plaies au niveau de l'appareil génital. Donc, tout le moment qu'elle arrivait à la période ovulatoire, dès qu'elle commence la période ovulatoire, ce sont les plaies sur le vagin. Donc, c'était les plaies qui faisaient très mal jusqu'à ce qu'elle ne pouvait pas approcher même son mari. On a continué à prier, elle a commencé à se décourager. Ils sont venus à la maison, ils nous ont dit, la maman m'a dit, maman, moi je suis fatiguée avec ce foyer parce que tout le temps je suis d'abord malade et puis la foi ne vient pas, je ne vois pas ce que je suis en train de faire dans ce foyer. On continuait à les fortifier, on disait, ça va aller, courage. On a continué à prier. Ils ont vu, ils ont appelé les serviteurs de Dieu, venaient à la moquette. Vraiment, on l'a soutenue dans la prière. Les intercesseurs ont prié, les pasteurs ont prié. Et c'était le jour où le Seigneur a déclenché. C'était le 15 mars. Nous étions en train de finir les eaux profondes. Donc, c'était le samedi avant la fin du séminaire des eaux profondes. Le pasteur avait dit que celui qui n'a pas encore eu d'enfant s'avance pour venir prendre son bébé. J'étais assise là, je m'attendais vraiment à ce qu'elle s'avance. Je ne l'avais pas vue. J'ai tourné mes yeux partout, j'ai vu, les gens ont arrêté de s'avancer et je ne l'ai pas vue. J'ai saisi ça, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de sentir que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de prendre cet enfant. Nous avons commencé à prier, le pasteur a commencé à prier, nous avons vraiment prié. En arrivant dehors, curieusement, je la vois. Je lui demande, pourquoi tu ne t'es pas avancée? Elle dit, je suis déjà fatiguée. J'ai dit au Seigneur qu'il puisse me raconter ces mal là où j'étais assise. J'arrive aussi dehors, parce que j'étais assise ici, mon mari était là derrière, je ne savais même pas s'il est ici. Quand j'arrive dehors, il ne m'avait même pas raconté, moi je ne l'avais pas raconté ce qui s'était passé. Lui commence à me dire, quand le pasteur a dit, j'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier jusqu'à ce que je suie. J'ai dit que vraiment, là, nous avons le bébé. J'ai commencé vraiment à glorifier le Seigneur en moi. Nous sommes séparés avec le couple et ils sont partis. Le mois prochain, donc le mois d'avril qui a suivi, elle n'a plus vu ses règles et elle était déjà enceinte. Nous bénissons vraiment le Dieu de l'arche, le Dieu qui agit, le Dieu du pasteur Stone. Quand la parole est vraiment prononcée sur cette chair, moi je me suis toujours dit, ça c'est moi. J'appelle quelqu'un à saisir cette parole qui est prononcée sur le haut de cette chair. Nous disons grandement merci à Dieu. Nous disons grandement merci aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas cessé de soutenir ces couples. Merci aussi à l'église, merci beaucoup au pasteur. Donnez aussi à maman. Alléluia. Je dirais que ça paraît comme une histoire quand on parle de Ce couple a fait une année, 10 ans, sans enfant. Mais quand vous vivez ça, c'est là que vous sentez la douleur de ce que ça fait. On a été mariés après des années, bon, 3 ans, 4 ans. À un moment donné, on est tombé dans ce qu'on appelle questionnement. Alors, j'ai compris que Dieu nous préparait pour comprendre c'est quoi la création, c'est quoi avoir un enfant. Moi, j'ai nommé ça école de Dieu. Là, on a appris beaucoup de choses. Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et nous remercions d'abord Dieu pour ça. Et remercions aussi toute l'Église, les serviteurs de Dieu qui nécessitent de prier pour nous et pour toute personne qui a besoin d'avoir un enfant. Je me rappelle le 14, le samedi, quand on était dans les eaux profondes de l'année passée. On parlait de la nature de la prière. C'est vrai, on priait depuis le départ, mais ce jour-là, j'ai senti que c'était vraiment fort. Quand le pasteur avait fait appel aux couples qui ont des désirs d'enfants, moi j'ai dit, Seigneur, j'en ai assez. On a assez prié au courant de la semaine. J'étais assise quelque part là-bas. J'ai dit que toutes les prières là qu'on a faites pendant les 2 semaines, et ce qu'on va faire aujourd'hui, je crois, Seigneur, que c'est déjà fait. D'ailleurs, le pasteur nous avait dit d'écrire les requêtes, de synthétiser les eaux profondes, mais aussi d'écrire les exaucements. Moi, j'ai commencé à dire à Dieu, merci parce que j'ai déjà mon enfant. Heureusement aussi qu'il y avait des gens qui soutenaient les personnes en désir. J'ai remercié aussi les parents, les couples parents, parce qu'ils étaient là présents. Et je dis merci à toute l'Église. Je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup d'histoires vraiment. Ah, c'est très profond. À un moment donné, pasteur, à un moment donné, quand je priais, toujours dans les questionnements, j'avais eu un verset, Jean 16, 24, qui disait, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. J'ai dit à Dieu. Donc tout ce temps que je passais dans la prière, c'est nul. Je me suis fâchée. Et puis une parole m'était venue encore. Vous priez mal, vous demandez mal des choses pour lesquelles vous ne recevez pas. Je me suis humiliée, j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à demander. Donc ne perdez pas espoir. Quand on est ici, ce n'est pas par hasard. Il y a un Dieu qui agit à tout moment. N'importe quand. Quand le pasteur dit quelque chose ici, il faut saisir l'opportunité, il faut saisir la parole et il faut avoir la foi en fait. Merci pour toute l'Église. Je bénis Dieu pour l'exaucement. Voilà, donnez-le, il est là. C'est pas la vie. Donnez-le là. Dieu a donné. Merci, que Dieu vous bénisse. Élevez vos mains comme ça, élevez vos mains. Chacun de vous, élevez vos mains. Élevez vos mains. Quand nous arrivons dans l'Église du Seigneur, c'est pour venir recevoir notre part. Élevez vos mains. Vous allez dire au Seigneur, je vais recevoir ma part, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, personne ne peut se présenter dans ta présence et retourner les mains bredouillées. Je vais aussi porter ma bénédiction. Je vais aussi porter mon bébé comme maman Gisèle. Je vais aussi porter cet exaucement-là. Dis au Seigneur, un mot seulement, Seigneur, mes mains. Ce matin, je vais recevoir de ta part ma bénédiction. Ni pe baba baraka yangu asubu ya leo. Ulisema naposhindwa ni kuite Yesu wangu. Hivi leo nakuita nisikilie huruma Yesu wangu. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu baba, Mungu Dieu te donne ce que ton cœur demande ce matin au nom de Jésus. Amen. D'habitude, au réveillon, nous, ou à Noël, nous présentons les enfants de l'Écodim qui deviennent majeurs. Et comme notre programme la fois passée n'a pas été très facile, nous voulons le faire ce matin. Et le président est là, Maurice. Alléluia. Je peux voir ces bien-aimés, ils peuvent se lever là où ils se trouvent. Les enfants qui étaient à l'Écodim et qui veulent monter. Attends. Ok, ils ne sont pas là alors. Ok, venez rapidement ici. Venez en courant. Je vous avais demandé que vous puissiez vous mettre à côté ici. Montez par là. Le président est là, Maurice. De 24. Alléluia. Vous avez eu un bon séjour à l'école des dimanches. Vous êtes restés disciplinés. Il y a d'autres qui viennent à l'église et des adultes sans autorisation ou. Et nous bénissons Dieu pour ce que vous avez pu être. Merci pour votre discipline. Et nous voulons vous accueillir dans les cultes des adultes. Est-ce qu'on peut les accueillir, frères et sœurs? Alors, nous allons les appeler, les remettre un petit cadeau, la Bible. À partir d'aujourd'hui, si vous les voyez dans les cultes des adultes, ne vous gênez pas, ne dites pas, ouais, enda ku ekodim, unafa panini. Mame koma. Donc, ils étaient à la classe D ou classe E. Hein? Classe E. Je vais donner la parole au président. Pour juste nous présenter l'idée. Et il s'agit de Bénédicte Boutou. Je peux voir Bénédicte Boutou. Remettez-lui sa Bible. Alma Kanou. Alma, Melissa Bikulo, et ils sont déjà aussi affectés dans les départements. Bénédicte Bintou va à l'intercession, Alma Kanou va à l'intercession, Melissa Bikulo à la chorale, et puis Deborah Wangaliendo wanzaluendo, wangaliendo. Ça doit être wanzaluendo. Wanzaluendo au protocole. Et puis Franck Amani à l'Ecodim, il va rester monitrice. Il va rester moniteur. Il est où? Merci frère. Il faut aider les petits frères qui sont là. Bola Ushindi. Ushindi n'est pas là. Il va au protocole. Nathalie Mayembe, jeunesse. Mapenzi Kasemire, intercession. Joséphine Aboul Alouba, jeunesse. Esther Abimana, jeunesse. Joël Keta, évangélisation. Glody Bandou, protocole. Gaël Ilunga, média. Jean-Luc Kiolo, évangélisation. Raïssa Sabimana, jeunesse. Hervé Mbaloliako, Hervé. Hervé Mbaloliako, média. Michel-Ange Karumba, jeunesse. Alice Kapaza, jeunesse. Rebecca Bamba, protocole. Déborah Chomba, jeunesse. Obedi Nzeza, jeunesse et évangélisation. Christelle Zawadi. Christelle, jeunesse. Jeunesse. Merveille Mwamini, jeunesse. Et enfin, Julienne Sangara, jeunesse. Chacun a eu son cadeau, je peux voir. Oui. Blessing Bandou. Bandou. Oui, Bandou. Oui, j'ai un Bandou ici. Alors, est-ce qu'on peut accueillir nos enfants? Vous avez beaucoup appris à l'Ecodim, gardez le dépôt. Vous êtes bien préparés, plus que plusieurs d'entre nous, les parents, qui se sont convertis en état déjà adulte. C'est une ville. Ils sont heureux, eux. Hein? Vous êtes heureux d'avoir connu Jésus à temps. Tenez-le fortement. Amen. Amen. Assemblée, levons-nous et bénissons-les rapidement. Bénissons-les. Prions que Dieu les garde et les conserve jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à la fin de leur jour, dans le Seigneur, dans les services pour Dieu. Seigneur, nous recommandons à toi nos enfants. Nous les confions à toi, à ta grâce, et nous prions que tu les prennes en charge dans le nom de Jésus-Christ. Prends-les en charge à leur marche. Prends-les en charge, Seigneur, dans la suite de leur vie chrétienne. Prends-les à charge, ô Dieu, à cause de ton nom. Ce que tu as investi en eux, Seigneur, conserve-les. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes, que tu les gardes, que tu les gardes. Que le diable ne les touche point, que le diable ne les complique pas, mais que tu les rendes puissants par le Saint-Esprit. Fais d'eux des héros, Seigneur, pour libérer les captifs. Des héros, Seigneur, de l'intercession, de l'évangélisation, des héros, Seigneur Dieu, au protocole dans les différents départements où ils sont affectés. Nous prions, Père de gloire, que tu les utilises puissamment. Je prie pour l'onction de l'Esprit sur chacun d'entre eux. Donne-leur, Seigneur, d'être rendu puissant par le Saint-Esprit, qu'ils vivent devant toi et que mon Sauveur et mon Dieu, tu leur tiens la main. Et tu les amènes. au nom de Jésus. Amen. Amen. Il me tient la main, je l'aime. Okay, yeah. Il me tient la main, je l'aime. On me dit souvent, Jésus est un juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne le pouvais vivre, il vécut il y a 2000 ans, mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je l'ai connu par la foi. Je l'espère de tout mon cœur et je l'aime. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'a renié. Il est de la main, je l'aime. Je crie partout et je crie avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix. Il est au-dessus, les effets le dépassent, il met sur la main. Je l'aime, il met sur la main. Je l'aime. Je l'aime, il n'est que la main. Je l'aime, il n'est que la main. Je l'aime. Amen. Seigneur, bénis ta parole et fais-nous du bien par ta parole. Dispose nos cœurs à t'écouter dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Nous poursuivons sur notre thème. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur. Tu peux le dire avec moi. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur s'élèvera. Et prenez trois textes rapidement que nous allons partager, autour desquels nous allons partager. Genèse chapitre 1er verset 26 à 28, Psaume 113 verset 4 à 9 et puis Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 6. Alléluia. Nous avons commencé de parler, d'aborder ce thème et nous avons compris ce qu'était ce thème. Ensuite, nous avons vu certaines considérations autour de ce thème. Et puis, nous avons vu au troisième niveau les compréhensions que Jésus avait de l'élévation. Et nous avons partagé pendant quelques séances sur quatre vérités que Jésus nous a révélé dans Jean chapitre 12, versets 20 à 32, dont le but final de l'élévation, chaque élévation avait un but final, les âmes viennent à Dieu. Les hommes viennent à Dieu. Et nous avons vu que dans toute élévation que nous avons, nous devons prendre conscience que le but final de ce que Dieu nous fait ainsi, c'est pour que les hommes viennent à Dieu. Car il dit, le Fils de l'homme sera élevé et attirera tous les hommes à lui. Nous avons vu deuxième vérité que Jésus révèle dans ce texte, c'est que l'élévation cache en elle deux facettes. La facette jouissance et gloire, et la facette responsabilité. Troisièmement, nous avons vu que Dieu, le Père, il est engagé à nous faire élever. Il est engagé, quatrièmement, Nous avons vu que dans chaque élévation, où chaque élévation était un jugement en quelque chose du côté de l'ennemi. Chaque fois que Dieu t'élève, il casse quelque chose chez l'ennemi. Et Jésus dit, le prince de ce monde sera jugé. Pourquoi? Parce que je suis en train d'être élevé. Et vous voyez, Jésus, lorsqu'il monte à la croix, le prince de ce monde est jugé. Et Paul vient pour dire, il a dépouillé les dominations, les autorités et les principaux. Il a livré publiquement en spectacle. Il a triomphé de par la croix. Jésus est élevé et le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jeté dehors. Parce que chaque élévation contient un jugement chez l'ennemi. C'est pourquoi nous devrions chercher et aimer l'élévation. Parce que plus il y a autant d'hommes et de femmes qui sont élevés, plus l'ennemi est pénalisé. Vous comprendrez pourquoi. Sur le chemin de l'élévation, il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de résistances. Il y a beaucoup de difficultés. Les hommes ont l'impression que pour être élevé, c'est difficile. Parce qu'en effet, c'est vrai. C'est vrai. N'avez-vous pas vu que vous avez même un oncle dans l'hiérarchie? Il vous promet, dès que tu termines l'université, si tu réussis avec 60%, je te casse déjà. Et puis, tu as terminé avec 70%. Et tu dis, oncle, on fait comment? Oh non, tu dois attendre. Et puis tu attends pendant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Chaque élévation est résistée par l'ennemi. Et chaque élévation est une victoire en quelque chose chez l'ennemi. Ce matin, nous voulons partager sur la volonté de Dieu pour votre élévation. Nous voulons dire, en fait, c'est la volonté de Dieu que tu sois élevé. Nous voulons dire, Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu sois élevé. Le cœur de Dieu désire ton élévation. Vous comprendrez que c'est évident même. Parce que si chaque élévation casse quelque chose chez l'ennemi, c'est que Dieu doit aimer ça. Si chaque bassesse et chaque vie dans la bassesse est un gain de l'ennemi, est une victoire de l'ennemi, Dieu ne peut pas aimer ça. Dites avec moi, Seigneur, tu n'aimes pas que je reste comme ça. Dis-le avec moi. Dieu désire que tu sois élevé parce qu'il en va du progrès de son royaume même. Les victoires de ton élévation comptent dans le royaume de Dieu. Rater ton élévation compte dans le royaume du diable. Rater ton élévation est un sujet de joie chez l'ennemi. Mais être élevé est un sujet de joie chez Dieu. Notre vie et notre parcours devaient donc être jonchés des élévations. C'est pourquoi nous parlons de la saison des élévations multiples. Dieu en a besoin et toi tu en as besoin également. Et moi j'en ai besoin. Alléluia. Alléluia. Et dans Psaume 113, nous voyons Dieu étant le personnage le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il est la source de l'existence. Il est celui qui engendre l'existence. Il est très élevé. Et il est écrit dans ce texte. Qu'il élève l'un, abaisse l'autre. Il prend de la poussière ce qui est abaissé et le fait asseoir avec le notable, avec les grands. Il est Dieu. Si lui est si élevé, alors il peut élever quelqu'un. Si tu demandes à quelqu'un de moins élevé que toi de t'élever, ce n'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Et si Dieu est suprême, c'est que s'il te lève, personne ne va s'y opposer. J'aime ce que Pilate dit. Quand on lui dit, Pilate, tu devrais écrire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate dit, leur repos dit, ce qui est écrit est écrit, point. Et tout s'est sauté. Ce qui est écrit est déjà écrit, c'est moi le roi ici. J'ai déjà écrit, Natosha. Bonne sifiwe. Il n'y a pas quelqu'un qui va contredire ce que le Créateur décide lorsqu'il veut t'élever. Quand Dieu désire t'élever, il va t'élever. Il va t'élever. Et c'est ce que nous essayons de partager ce matin. Au commencement, Dieu a conçu l'homme comme un être élevé. Il est écrit dans Genèse chapitre 26, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ainsi de suite. Au verset 28, il dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alléluia. Remplissez la terre. L'assujettissez. Créons l'homme à notre image. Ces facteurs, frères et sœurs, depuis le commencement, la volonté de Dieu a caché trois facteurs de notre élévation dans le commencement de notre création. Le fait que Dieu a voulu notre élévation, il a prévu trois choses comme des manettes de notre élévation, comme le potentiel de notre élévation, comme la souche, comme les données, comme les contenus de notre élévation. La première chose que Dieu va établir comme premier facteur, c'est la nature de notre création. Première chose, il nous créa à l'image de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, il est écrit, la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participant de la nature divine. Alléluia. Dans Hébreux 3, 14, il est écrit, car nous sommes devenus participants de Christ. Participants. Nous participons à l'image de Dieu. Or, Dieu est si élevé. Lorsque Dieu nous donne le privilège de prendre part à sa nature, de prendre part à ce qu'il est, c'est qu'il prévoit notre élévation. Il veut que tu sois élevé. Il nous veut dans l'élévation. Il y a en toi les matériaux de l'élévation. La nature avec laquelle Dieu t'a créé est une nature de l'élévation. Ton contenu était contenu d'élévation. Buona sifiwe. Et dans Jean 1, 12, 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui sont nés, non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Quand tu nais de quelqu'un, tu deviens ce quelqu'un. Lorsque tu nais d'un éléphant, tu deviens éléphant. Si tu nais d'un lion, tu es un lion. Or, notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Vous êtes des lions. Est-ce qu'un lion peut rougir ici? Ah! Il y a des lions ici. C'est dans notre nature au commencement. Au commencement, Dieu a imaginé que je veux faire de toi pas un homme vulgaire, pas une femme vulgaire, mais un homme, une femme élevée. De par votre nature, vous êtes un homme élevé. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49. Et de là, même que nous avons, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste. Le céleste est suprême. Nous portons l'image du céleste. Et j'aime le verset 15, et plutôt 45, où il est écrit, « Le premier Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam devint un esprit vivifiant. » Mystère. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Esprit vivifiant. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 1, 27, « Christ en vous, espérance de la gloire. Christ en vous, potentiel de l'élévation. Nous avons en nous l'esprit vivifiant. C'est pourquoi lorsque tu frottes à quelqu'un, tu vivifies. Pierre pouvait marcher sur la rue et son ombre vivifiait les gens. Paul, les hommes et les femmes pouvaient faire toucher leur mouchoir sur Paul et repartir avec et l'exercer sur des malades et les malades sont guéris. L'exercer sur les démoniaques et les démoniaques sont guéris. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il y a en moi celui qu'on appelle l'esprit vivifiant. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous dispensons l'esprit vivifiant. Paul va même plus loin pour dire, dans Romains chapitre 2, verset 11, il dit, j'ai envie de venir chez vous afin de vous distribuer quelques dons. Ah, toi tu as des dons? Il dit, oui, oui. Je vais vous donner quelques dons spirituels. Paul, tu as des dons à nous donner? Il dit, oui. Et les gens cherchent le grand Paul. Paul, tu es où? Jésus, tu es où? Les gens accourent de Galilée, de partout, pour chercher Jésus parce qu'il était l'esprit vivifiant. Mais au commencement, Dieu a voulu que nous soyons de cette race-là. On pourrait dire, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes une espèce divine. Je vous assure. Nous sommes de son espèce. De la race divine. Et Paul va loin pour dire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en esprit. Dites à ton voisin, tu es un esprit. Et tu vois, il ne croit pas. Abiyamini. Quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés comme par le Seigneur l'Esprit. Ah, je t'assure, quand tu es transformé en esprit, c'est une élévation qu'on ne sait pas discuter. Vous savez, quand vous êtes élevé au plan matériel et financier, dans votre petit coin, vous avez l'impression que vous êtes élevé. Il suffit que vous rencontrez quelqu'un, il a plus que vous. Vous vous cachez. Vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher. Tu peux dire, non, tu vois, moi je suis grand, je suis élevé, tu vois. Moi j'ai. Et puis demain, quelqu'un d'autre apparaît dans ton environnement. Et tu as honte de parler de toi. Mais lorsque nous sommes élevés en esprit, ça se négocie pas. Ça c'est évident. Bwana asifiwe. C'est évident. Et je prie que cela soit ta nature maintenant. Je prie que cela devienne une réalité dans ta vie. Je prie que tu deviennes cet homme qui est transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prouesse en prouesse, d'exploit en exploit. Que tu sois élevé de manière multiple. Que ta vie cesse d'être cette vie morne, cette vie qui cette vie misérable, cette vie qui rampe. Moi, j'ai à coup rampé. Ça fait des années que ta vie rampe. Tu as trop rampé. La saison de l'élévation est déjà là. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu le veut. Dites à ton voisin, pasteur, enseigne-moi, mon guanataka, ou quoi élevé. Mon guanataka. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Dans cette parole, il y a les bras de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu crois, tu es en train de le devenir. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit. Le deuxième facteur qui révèle la volonté de Dieu de nous élever, ce sont les missions que Dieu nous a données. Vous savez, frères et sœurs, l'élévation dépend aussi de la mission qui t'est assignée. Je peux dire, votre élévation est proportionnelle au degré de la mission ou au degré des missions qui te sont confiées ou qui t'est confiée. Si je dis, frère, je t'élève, viens, tu es élevé, oui, et je ne donne pas de mission à cette élévation, il n'y a pas élévation. Mouranipata. Si on t'appelle ici, on dit, bon frère, tu es élevé. Et puis, quoi? Quel est le contenu? La mission ou les degrés de la mission, le niveau de la mission détermine le niveau de notre élévation. Quand on te confie une minable mission ou une petite mission, le niveau de ton élévation reste à ce niveau-là. Parce que on a quoi élevé, on a quoi na panguza, il est poussière ya kumulango pale inje. Si ni misha inuli ou anda quoi na panguza poussière ya kumulango akuarsh. Ome inuli wa? Le fait qu'il y a quand même un contenu comme mission, c'est déjà quelque chose de l'élévation. Mais si on dit « Tumekuinua » et on ne donne pas de contenu à ton élévation, tu es malheureux. Tu risques de toucher ici, on dit « Hé, on a fait un nid de parle. » Ah, mais je suis élevé, non? Ok, je touche ici ailleurs, mais hé. Sans mission, il n'y a pas d'élévation. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je vous donne un exemple drôle. La femme a été élevée comme assistante de Adam, n'est-ce pas? Et quand Dieu l'a créée comme elle est créée femme, tout ce que la femme est est une mission ou répond à une mission. Est-ce que il y a des hommes ici? Regardez la femme qui est à côté de vous. Regardez. Regardez les femmes. Bon, ce n'est pas la convoitise. Regardez seulement. Tout ce que la femme est manifeste une mission. C'est ce qui fait que les hommes souffrent aussi longtemps qu'ils n'ont pas pris un « in » parmi elles. Et ça coûte 5 vaches, 8 vaches. Ah, bon amour à tout ça. En fait, vous avez été élevé de telle manière que vous êtes quelque peu incontournable dans la société. C'est bon amour, si vous aimez. Tout le monde est bon amour, tout le monde est bon. Si Dieu fait l'enlèvement à deux temps, il enlève d'abord les femmes et les hommes, on reste d'abord ici. Comment vous trouvez les hommes? C'est tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Comment vous trouvez? Mungu na beba babibi wapi? Si ya owa, on appelle kawapi, rudisha ye apa, mimi si apata. Au moins, ceux qui étaient déjà mariés vont dire, Natosha, j'ai fait 5 ans avec. Inatosha, Munaeza enda, tout à bakuta coule. Et puis là-bas, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Mariage, c'est ici. Vous voyez, j'essaie de dire ceci. La mission est ce qui détermine la valeur de ton élévation. Malheureusement, les Congolais, ils aiment les élévations vides, les élévations sans mission. Je vous ai dit, dans la mission, dans l'élévation, il y a deux facettes, on en a parlé. Jouissance, gloire et puis responsabilité. Et donc, le degré de la responsabilité contenue dans ta mission, c'est ce qui détermine la hauteur de ton élévation. Oh non, on m'a chargé beaucoup. Vous avez mis trop dans ma description du travail. C'est ça même qui fait la valeur de ton poste. Oh non, ça va beaucoup me fatiguer. Vous avez entendu ce genre de choses, ce genre de langage là, des êtres humains. Ah, mi ndachoka moi. Ah, papa, mi ndachoka. Kama hauta choka sasa, uko na faida gani kudunia? Unataka nini? Ulikuwa fa nini hapa? Vous ne voulez pas vous fatiguer? Vous voulez faire comment? Accomplir la mission en rêvant ou vous voulez quoi? Ah, les paniers vont passer, nous mettons nos offrandes. Buona sifiwe. Alors, il y a cette mission que Dieu a assignée à l'homme au commencement. Au commencement, premièrement, Dieu nous crée à son image. Deuxièmement, Dieu nous assigne une mission. Nous assigne une mission. Et cette mission a 7 facettes. Lesquelles? Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, fécondité. Multipliez, 2. Remplissez la terre, 3. L'assujettissez, 4. 5. Genèse 2, 15 à 17, il les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et puis ensuite, il dit, j'ai mis l'arbre la connaissance du bien et du mal. Donc, tu vas entretenir une bonne relation avec moi. C'est ça la septième mission. Entretenir une bonne relation avec ton Créateur. Ces missions ici, depuis le commencement, déterminent la volonté de Dieu de nous élever. Imaginez, mes frères, que Dieu ait créé Adam comme l'un des animaux qui sont sur la terre, sans mission. Quelle élévation l'homme aurait obtenue? Quelle élévation? Imaginez Adam sans mission. Il est juste là. Peut-être il peut jouir, mange les fruits, mange les arbres, mange. Mais tu n'as pas de mission. Vous savez, même la valeur d'une femme que l'on veut épouser, c'est sa capacité de prendre conscience de sa mission comme épouse. Frère, vous qui voulez vous marier, ne prenez pas les sœurs qui n'ont pas encore pris conscience de leur mission comme épouse. Tiens, Pembeni. Tout paye. Tu risques de faire un mariage que je peux appeler de la bébérie. Donc, ni qui bébé n'y a ou quoi. La valeur d'une femme à épouser, c'est sa conscience de sa mission comme épouse. Elle a déjà pris conscience. Elle sait qu'elle va dans ses foyers pour faire X, Y, Z. Alors, elle mérite d'être épousée. Le contraire, laissez. Bon, le verset vrai aussi. Les sœurs. Un frère vient, non, Jovile, Minakupenda, parce que, donc, en effet, étant donné que. Je vous ai déjà donné la consigne, posez-lui la question, tu vas où? Tu vas où dans la vie? Les sœurs, vous vous rappelez, demandez-lui où qu'on enda, wapi? Kumaisha, on enda wapi? Si ce frère ne sait pas où il va, mettez de côté. Avec respect, proprement, tia pembe. Et t'agite pas, oh, ça fait longtemps, si pas ta frère, wakuya kuniongelesha, acha uyu. Laisse celui-ci. Il t'amène nulle part. Il t'amène nulle part. La mission, mes frères. La mission. Troisième facteur de notre élévation depuis le commencement, c'est la finalité de notre existence. Depuis l'éternité, Dieu voulait vivre avec nous éternellement. Depuis le commencement, je voulais dire, je vais vivre avec vous jusque dans l'éternité. Ça, c'est une valeur incroyable de l'élévation. Parce que la valeur d'une chose dépend aussi de sa durée de vie. Si ton élévation est de 2 jours, ça ne sert à rien. Si tu passes ministre pour 1 semaine, même si tu vas dire, ah, c'est déjà écrit dans mon curriculum, j'ai quand même été ministre national ou provincial du sport. Attends, il est 3 jours. Quand il rentre dans des réunions, dans les fêtes, tu as envie qu'on t'appelle Excellence. Tu as été Excellence pendant 3 jours. Bon, ça suffit, oui. La valeur d'une élévation, c'est aussi sa durée de vie. Et Dieu prévoit que notre élévation compte pour l'éternité. Ce n'est pas éphémère. Jésus dit dans Jean 14, premier verset suivant, il dit, « Je vais vous préparer une place. Si l'on n'était pas ici, je vous le dirais. Parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Alléluia. Alléluia. Et Paul, plutôt Pierre, ayant pris conscience de cette réalité de notre élévation depuis le commencement. Écoutez-moi, mes frères. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1er. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 12. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche. Ces facteurs de notre élévation depuis le commencement a fait l'objet de recherches. Les prophètes ont recherché. Les savants se sont posés des questions. Ils ont voulu comprendre c'est quoi ce mystère. Ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voulez savoir le pire de la chose? Au verset 12, il est écrit, et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges sont ébahis par rapport à la volonté de Dieu de t'élever. Parce que Dieu ne t'a pas élevé juste sur la terre, il t'a élevé à son niveau. Je vous ai dit, il a fait de nous une pièce de lui-même. Il a fait de nous son espèce. Les anges ne sont pas l'espèce de Dieu, mais l'homme. Dieu a prévu que nous serons son espèce. Les anges cherchent à plonger le regard dans le mystère qui est là entre Dieu et nous, les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu? Et nous, les hommes, nous disons, ne vous étonnez pas, les anges. Dieu nous a tout simplement aimés et il a décidé de nous élever. Nous, nous vivrons éternellement avec Dieu dans sa famille. Les anges vivront éternellement à notre service. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous serons au ciel, les anges qui ne sont pas allés en affaires ne viendront pas dans la maison du Père comme les membres de la famille. Parce qu'ils n'ont pas l'image de Dieu, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais nous, nous avons le potentiel de l'élévation jusque dans la famille de Dieu. Ah, quelqu'un devait aimer Dieu, quoi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Oh, merci Seigneur. Je fais partie de ta famille. J'ai le potentiel de vivre avec l'Éternel, Yahweh. J'ai le potentiel d'être dans sa maison. J'ai le potentiel d'être son image. Je suis son image. L'Éternel, le Créateur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés au couvert d'opprobre pays des Zabulon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. 9.1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoutez-moi et soyez attentifs. Au commencement, tu as été une créature élevée. Mais après la chute, ou avec la chute, notre nature, notre mission et même notre finalité ont été falsifiées, ont été dénaturées, ont été abîmées. C'est comme ça, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un en train de se vautrer dans le péché, et puis il est tranquille. Ce que tu vis, ce n'est pas ta pièce originale. Aujourd'hui, on parle de piratage. Beaucoup d'entre nous ici, on est des pirates par rapport à ce que Dieu nous a créé au commencement. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu n'es pas une pirate? Aouko pirate quoi? Beaucoup d'entre nous, nous vivons une vie piratée, une vie falsifiée. Nous ne sommes pas l'original de nous. Nous ne vivons pas la vie originale de nous. Nous ne vivons pas les prévisions originales de nous. On nous a piratés. Dans Josué chapitre 2, verset 1 suivant, une femme voit deux hommes entrer chez elle. On l'appelle Rahab, la prostituée. Qualificatif, Rahab, la prostituée. C'est-à-dire, tu es professionnel de sexe. Falsifié. Au commencement, il n'en était pas ici, Rahab. Dieu t'avait créé prostituée? Non. Rahab? Dieu avait prévu que tu seras prostituée? Non. Quelque chose est arrivé à Rahab. Elle a été dénaturée. Elle a été falsifiée. Elle a été piratée. Son original. Vous savez, nous aimons les pièces originales. Tout dans ces macabres, pas ça. Vous avez les pinets d'origine. Vous voyez ces phrases-là. Assez injoya origine. Marayoni me pata ya origine. Tu viens d'avoir l'origine, origine. Laisse-moi te dire que toi aussi, il y a ce qu'on appelle origine. Pour toi-même, il y a. Toi aussi, ton origine existe. Ça existe. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois retrouver ton origine. Tu dois revenir dans ton origine. Ton origine, c'est image de Dieu. Ton origine, c'est mission. Ton origine, c'est l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est l'élévation naturelle. Regardez l'avion quand il monte. Quand l'avion monte sur Birere ici. Combien ont déjà monté l'avion, s'il vous plaît? À cause de tous les avions et arches basses. Tu connais, on a l'occasion de monter l'avion. C'est pas bien, non? Vraiment, qui n'ont pas encore monté l'avion? Si Mutaski aya coupe mieux chamoukon. Mais quand tu montes sur Birere dans l'avion, tu te rends compte que l'avion ne lutte pas. Tu es juste assis et l'avion est en train de monter. C'est naturel, c'est la nature de l'avion. À l'origine, l'avion a été créé pour monter comme ça. Les hélices ou les réacteurs sont en forme. Les ailes sont en forme. Tout est en forme dans l'original de l'avion. Tu as aussi l'original de toi. Que ton original revienne à surface. Alléluia. Alléluia. Rahab, professionnel de sexe. Et ici, il y a beaucoup d'autres professionnels. Peut-être tu es ici, toi aussi, tu es professionnel de sexe. Laisse-moi te dire que ton original, ce n'est pas ça là. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des professionnels tueurs. Des professionnels vol et viol. Professionnels en viol. C'est le pirate que tu es devenu. Professionnel détourneur, corrupteur, professionnel. en misère. Ta vie, c'est la profession misère. Si on te demandait quelle est ta profession, misère de la ville. Mais je suis misérable à Mumugini. Carrière, misère. Carrière professionnelle, des mensonges. Professionnelle, des destructions des foyers des autres. Professionnelle, écoutez, à l'origine, ce n'était pas ça. C'est pas ça, toi. Quelqu'un devrait dire, je refuse cette affaire-là. Ce matin, tu dois te débarrasser du pirate de toi-même et retrouver... Lève-nous, frères et sœurs, prions rapidement. Tu dois retrouver ton original. Et c'est la volonté de Dieu, depuis l'origine, de t'élever. Tu as le potentiel de monter naturellement comme l'avion. Tu n'auras pas à lutter pour monter. Tu n'auras pas à lutter pour accéder à des degrés d'élévation comme personne l'a imaginé. C'est prévu dans ton original. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je suis fatigué d'être pirate. J'ai été piraté, Seigneur. Seigneur, j'ai été piraté. Je suis fatigué de ça. Je ne veux plus continuer comme pirate, Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Demande à Dieu de ramener à surface le vrai toi. Le vrai toi est candidat à l'élévation. Le vrai toi a tous les potentiels d'être élevé. Le vrai toi, l'original de toi, est destiné à l'élévation. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Lève-toi, brille, car ta lumière apparaît. Lève-toi, brille. Retrouve cette femme qui brille. Retrouve cet homme, le vrai toi. Depuis le commencement, retrouve le vrai toi. Revis ta vraie vie. Demande cette vraie vie. Refuse la fausse vie. Refuse la fausse nature. On t'a même déjà donné un nom professionnel de ceci. Ce n'est pas toi. Refuse d'être ce professionnel de misère intérieure, ce professionnel de destruction sociale, ce professionnel de malheur. Les malheurs du monde ne viennent que vers toi. Ce n'est pas prévu comme cela au commencement. Ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. La volonté de Dieu, c'est ton élévation. La volonté de Dieu, c'est que tu vives. Tu dois être élevé. Il tire de la poussière ce qui est abaissé. Il tire du fumier ce qui est abîmé. Le diable t'a jeté dans l'ombre de la mort. Rahab est dans l'ombre de la mort. Ils vont être tués bientôt. Elle ne savait pas que la saison de son élévation a sonné. Elle croyait qu'elle a de nouveaux clients pour la prostitution. Elle ne se rendait pas compte que c'était la visitation du Dieu Très-Haut. Elle ne savait pas que bientôt elle fera partie de la lignée de Christ. Elle ne se rendait pas compte que bientôt on va tuer tout le monde sauf elle. Elle ne se rendait pas compte que bientôt elle va cesser de porter l'identité prostituée. Sa vie va commencer à avoir un sens. C'est ce que Dieu est venu faire pour toi ce matin. C'est ce que Dieu est venu accomplir dans ta vie ce matin. Lève-nous nos mains ensemble. Dites, Seigneur mon Dieu, je refuse d'être falsifié. Jusqu'ici, j'ai mené une vie falsifiée. Elle est dégoûtante. Je la rejette. Je la refuse. Au nom de Jésus-Christ, commence à refuser cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Elle est abjecte. Cette vie est abjecte. Le faux moi. Je refuse de vivre le faux. Le faux de moi-même. Je refuse d'être le faux de moi-même. Esclave de l'occultisme. Professionnel d'occultisme. Professionnel et fétiche. C'est faux cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je chasse cette vie-là. Dégage-moi, Seigneur. Dégage-moi de cette fausse vie, de cette fausse identité. Débarrasse-moi de cette fausse identité. Au nom puissant de Jésus. Lève la main devant Dieu. Père Céleste, celle-ci et celui-ci, ce sont tes enfants. Mais voici que l'ennemi marche encore sur eux. L'ennemi falsifie ton idée de départ. L'ennemi a piraté ton idée de départ. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je brise le pirate. Je détruis les fondements du pirate. Ce matin, au nom de Jésus, j'appelle la surface. Le vrai, au nom de Jésus. Au commencement, tu nous as voulu élever. Ce matin, je déclare que cet homme retrouve sa vraie vie originale au nom de Jésus-Christ. Cette femme retrouve sa vraie vie originale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Je déclare que ta vie originale ressurge, revient à surface. Tu la commences à partir d'aujourd'hui. Tu la vis à partir d'aujourd'hui. Tu prends ton envol comme l'aigle. Tu redécolles, mieux vaut tard que jamais. Tu repars avec puissance, naturellement, dans ton élévation, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.